Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Okay, thank you. We're going to furthermore state clearance a point. And yesterday we studied seven bhujanga, seven enlightenment fetters or seven awakenings. There, please go back to fourth one, it's Piti Sambhojan, okay? In Pali, Aradhahuriyasa Obajadi Piti Niramisa. Quand le pratiquant s'établit de manière stable et imperturbable dans le facteur de l'énergie, le quatrième facteur d'éveil naîtra et se développera en lui, le facteur de la joie. Quand il sera développé, ce facteur atteindra la perfection. Hier, nous avons étudié les sept facteurs d'illumination, qu'on appelle également les sept facteurs d'éveil, en pali les sept bhujangas. Et nous avons vu qu'il y avait deux sortes de plaisir. Le plaisir qui s'enracine dans le corps, dans les plaisirs sensuels, qui vient des contacts sensoriels, et le plaisir qui ne s'enracine pas dans les contacts sensoriels. Niramisa et Samisa, piti. Donc deux sortes de piti. Que veut dire amissa? Amissa veut dire textuellement la viande. On pourrait dire aussi la chair. Donc, ni amissa, ni ramissa, c'est le plaisir qui ne s'enracine pas dans la viande ou, de façon plus générale, qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensoriels. Samissa, piti, c'est la sorte de piti, de joie qui s'accompagne de plaisirs sensuels, qui s'enracine dans les plaisirs sensuels, qui vient des contacts sensoriels. Donc, le piti, la joie dont il est question dans le contexte des sept bhujangas, des sept facteurs d'éveil, c'est bien évidemment niramissa piti, la joie qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensoriels. Il est très souvent question de ce type de joie dans les textes bouddhiques. Ceci est assez important, c'est un point de vue très académique. Nous vivons dans le monde d'expériences sensorielles. Il y a d'autres êtres qui vivent également dans ce plan. Tous les êtres sensibles sont toujours en quête de plaisirs sensuels. Ils expérimentent la joie qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. C'est très naturel. En pali, on dit Samisa piti, la joie qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Sa veut dire avec et Amisa veut dire chair ou la viande. De façon plus large, les plaisirs sensuels. Okay. Les êtres sensibles, en général, expérimente Kama Sukha, le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Les êtres nobles, les êtres qui sont très avancés spirituellement, n'expérimentent pas ni ne recherchent ce type de bonheur. Ils expérimentent et recherchent Dhamma Sukha, le bonheur qui s'enracine dans le Dhamma. Niramisa Sukha. Donc, hier, nous avons vu comment la pratique des quatre établissements de l'attention amène automatiquement les sept bhujangas, les sept facteurs d'illumination. Et nous avons vu plus précisément comment ces sept facteurs d'illumination sont introduits en nous lorsqu'on pratique l'attention au corps, qui est la première des satipatthanas, le premier fondement de satipatthana. Ici, on verra que c'est identiquement la même chose pour les trois autres fondements que sont les ressentis, les consciences et les dhammas. On va passer maintenant à la fin du sutta. On va voir comment les sept facteurs d'éveil, s'ils sont développés et pratiqués régulièrement, conduisent à l'accomplissement parfait de la compréhension et de la libération. Ok, if you wish, please read in France. 152. Comment les sept facteurs d'éveil, lorsqu'ils sont développés et pratiqués régulièrement, conduisent-ils à l'accomplissement parfait de la compréhension vraie et de la libération complète? Si le pratiquant suit la voie des sept facteurs d'éveil, vivant en reclus dans la tranquillité, observant et contemplant la disparition du désir, il développera la capacité de lâcher prise. Ceci sera le résultat de la pratique du chemin des sept facteurs d'éveil et conduira à l'accomplissement parfait de la compréhension vraie et de la libération complète. C'est ce que le Seigneur, l'éveillé, dit, et chacun dans l'assemblée exprima de la gratitude et du plaisir en ayant entendu ses enseignements. Si on développe les sept facteurs d'illumination, c'est-à-dire sati l'attention, dhamma vichaya l'investigation du dhamma, viriya l'énergie, piti la joie, pasadi la tranquillité, samadhi la concentration et upeka l'équanimité, on atteindra tôt ou tard la claire compréhension, la compréhension parfaite, vijja et vimutti, la libération complète, ce qui est nibbana. On sera alors devenu un être noble, que ce soit le premier stade, sotapanna, le deuxième, sakatagami, le troisième, anagami ou le quatrième, arhat. Ceci, c'est la fin du sutta. Et les 500 moines qui écoutaient le sermon du Bouddha, après les avoir entendus et après avoir mis en application ces instructions, atteignirent tous l'illumination Nibbana. Ils devinrent tous des arhats. Ceci, c'est le grand bénéfice de la pratique. Chadaro Sri Padana Bhavida Bhuligada Sada Bhujenge Priburendi. For applying four Siddhipatthana, seven enlightenment fetters, Siddhi Sambhojenga Dhamma Vijaya Viriya Bidhi Basadi Samadhi Upekha. These fetters roast. Celui qui pratique Anapanasati, l'attention à la respiration, en suivant correctement les instructions, va automatiquement introduire en lui les quatre satipatthana, les quatre fondements de l'attention. S'il met en application ces quatre fondements de l'attention correctement, il va introduire en lui, petit à petit, les sept bojanga, les sept facteurs d'illumination. Et si ces sept facteurs d'illumination sont développés et pratiqués correctement, ils vont mener à vijja et à vimut, qui veulent dire, en fait, Nibbana. Vijja, c'est la connaissance, et vimutti, la libération. Donc, en résumé, anapana mène à satipatthana, satipatthana mène à bojanga, et bojanga mène à nibbana. Donc, tout ceci, c'est la théorie. En résumé, on peut dire que anapana sati, l'attention à la respiration, mène à Nibbana. Ici, dans le texte, Bhante n'a pas réussi à trouver sur l'ordinateur comment on introduisait des flèches, mais en réalité, il faudrait, après le A de Anapana, il faudrait une flèche qui mène à S, Satipatthana, qui mène à B, Bhujanga, et qui mène à N, Nibbana. Donc, en résumé, Anapana mène à Nibbana. Celui qui pratique correctement l'attention à la respiration en suivant les instructions du Bouddha peut atteindre Nibbana. D'un point de vue très pratique, Cela veut simplement dire que si vous appliquez correctement l'attention à la respiration, vous pouvez atteindre la libération. Bhante demande à Barthe combien il a payé pour participer à cette retraite. Barthe dit qu'il va rester 10 jours et qu'il a payé 325 euros. Pour un mois, ce sera d'autant plus, dit Bhante. Et pour atteindre Sotapanna, ça va prendre beaucoup plus de temps, il faudra payer encore beaucoup plus cher. Et si vous voulez devenir un arhat, ce sera encore beaucoup plus cher. Tout ceci veut simplement dire que l'état de noblesse, que ce soit Sotapanna, Sakatagami, Anagami ou arhat, est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qu'il est impossible d'acheter avec de l'argent. C'est quelque chose qu'il faut conquérir soi-même à force d'effort. Donc, vous devez bien comprendre que cela n'est pas à acheter. Il n'est pas possible d'acheter ces choses. Ce sont des choses qui doivent être développées par chacun à l'intérieur de lui. Il faut que chacun se mette à la pratique, observe correctement le souffle, et il est possible qu'un jour, il atteigne ce précieux trésor qu'est l'état de noblesse. Bhante nous a expliqué tout ceci d'un point de vue très pratique et il continue à le faire en vous demandant de comprendre que les résultats dans la méditation s'obtiennent par la pratique. Il est impossible d'acheter ces résultats. Vous devez pratiquer. La méditation, c'est un entraînement mental, un entraînement de l'esprit. Et en même temps, automatiquement, le corps est également entraîné. Il demande à Barthe quel est son poids. Barthe dit qu'il pense avoir 65 kilos. Bhante lui dit que quand il rentrera chez lui, il doit se mettre sur la balance et il verra peut-être qu'il a perdu 5 kilos. Ça veut tout simplement dire qu'au cours de ces 10 jours qu'il aura passé ici, il aura fait énormément d'efforts. Il aura suivi cet entraînement de l'esprit et c'est très exigeant. C'est comme si on se nettoyait l'esprit, on prenait une douche mentale. Si on se nettoie l'esprit de façon répétée et avec courage, tôt ou tard, on aura de bonnes expériences. Et ces bonnes expériences vont développer notre volonté. Nous allons devenir capables de prendre des décisions très difficiles parce que nous avons dorénavant la concentration. L'esprit est devenu très puissant. Si notre esprit est très puissant, dans la vie de tous les jours, nous pourrons facilement faire face à tous les problèmes. C'est donc un très grand bénéfice qu'amène cette pratique. Avant d'atteindre Nibbana, ce qui peut peut-être prendre, qui prendra peut-être beaucoup de temps, vous pourrez bénéficier de tout cet entraînement dans votre vie de tous les jours. Nous en avons terminé avec le sermon sur l'attention à la respiration. For studying, this is Anapanasati Sutta, also for applying as meditation guide. May all of you be well, happy, peaceful, successful, and attain Nibbana within, Mother. Sadhu, sadhu, sadhu.